cris montent dans la nuit. La peur devient décision. On parle de retour en Égypte, comme si la liberté était une illusion. Les pierres se lèvent contre les prophètes. La promesse est rejetée. Et la colère de Dieu s'avance face à un peuple révolté. Mais Moïse se tient encore entre la faute et le jugement. Grâce écrit encore de